إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم donc aujourd'hui on commence le cours numéro 53 dans l'explication de Al-Mulakhas al-Fiqhi et on est toujours dans le livre Kitab al-Hajj. Et aujourd'hui, le sujet ou le chapitre qu'on va lire, c'est باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد. Donc, le Cheikh, dans ce chapitre, il explique le fait que après qu'on a quitté Arafah, on se dirige vers Muzdalifa. Et on doit dormir à Muzdalifa. Et ensuite, on se dirige vers Mina. Et on fait les actions du jour de Eid. Les actions du jour de Eid. Donc, on va commencer à lire l'explication. Le Cheikh, il dit بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار. لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقسوة يعني ناقته الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة وهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة وأن لا يضيقوا أو يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ولا يرهقوهم بمزاحمتهم فيخيفوهم بسياراتهم وأن يرحموا الضعفاء وكبار السن والمشاء. Donc le cheikh explique ici que après le coucher du soleil, lorsque on est à Arafat et le soleil s'est couché, les hujjaj doivent se diriger vers Arafat, vers Muzdalifa, de Arafat à Muzdalifa, en toute paix et en toute sérénité et dans le calme total. Donc les gens doivent se diriger vers Muzdalifa dans le calme. Et ça c'est basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté selon Jabir, dans le hadith de Jabir qui explique les détails du hajj, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabir a dit qu'il est resté debout à Arafat jusqu'à ce que le soleil se couche. Il faisait des doigts, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait le dhikr. Puis lorsque le jaune du ciel est disparu un petit peu, commence à s'en aller, et que le soleil s'est complètement couché à l'horizon, le disque solaire a complètement disparu, eh ben il a pris sa monture et il a mis Usama derrière lui sur sa monture et il est parti vers Muzdalifa. D'accord. Et Yani, lorsqu'il avançait, il disait aux gens As-sakina, as-sakina, c'est-à-dire faites-le dans le calme et dans la paix, dans la sérénité, et ne vous bousculez pas les uns les autres. فهكذا ينبغي للمسلمين. Donc c'est comme ça que les musulmans doivent partir, doivent s'en aller de Arafat vers Muzdalifa dans la paix et dans le calme. Et ils ne doivent pas se bousculer les uns les autres et s'écraser les uns les autres. Et en particulier avec les voitures, ils doivent y aller doucement et ne pas effrayer ou embourber les autres voitures. Hein, chaque personne doit penser aux faibles et aux personnes âgées et aux gens qui marchent aussi, en particulier ceux qui ont des voitures. Et le cheikh il dit ensuite: ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا لقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Le cheikh il dit c'est pas fini encore. Il dit وسميت مزدلفة بذلك من الازدلاف وهو القرب لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا ومضوا إليها وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها وتسمى المشعر المشعر الحرام أو تسمى بالمشعر الحرام وفي المغني وللمزدلفة ثلاثة أسماء مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. Donc le chef ici il explique, il dit que la personne qui est dans le Hajj, donc qui se dirige vers Muzdalifa, elle se dirige vers Muzdalifa en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est basé sur le verset 199 dans sourate Al-Baqara. Thumma afidu min haythu afad an-nas. Puis ensuite dirigez-vous vers Muzdalifa comme tout le monde se dirige vers cet endroit-là, comme il se dirige comme une masse qui coule, yani, hein. Donc et demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on appelle Muzdalifa à cause de al-izdilaf, et ça veut dire la proximité, parce que les hujjaj ils s'en vont à Arafat et yani ils se rapprochent de Muzdalifa. Donc étant donné qu'ils se rapprochent, on l'appelle Muzdalifa. Et aussi on l'appelle Jam'an parce que c'est un endroit où les gens se réunissent, et on l'appelle aussi Al-Mash'ar al-Haram. C'est comme ça que Allah l'appelle aussi dans le Coran. Muzdalifa c'est Al-Mash'ar al-Haram. Donc ce sont les trois noms pour Muzdalifa. Il y a Muzdalifa, Jam' et Al-Mash'ar al-Haram. Ensuite, le cheikh il dit: ويذكر الله في مسيره الى مزدلفه لانه في زمن السعي الى المشاعر والتنقل بينها. Donc il se rappelle d'Allah, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala dans son chemin vers Muzdalifa, car il est dans une période où il se dirige d'un endroit à l'autre, parmi les lieux saints et sacrés du Hajj. Donc entre ces déplacements, il s'occupe en se rappelant d'Allah subhanahu wa ta'ala et en mentionnant son nom et en l'invoquant et en le glorifiant. Ensuite il dit: وَإِذَا وَصَلَ إِلَى مُزْدَلِفَ صَلَّى بِهَا الْمَغْرِبُ الْعِشَى جَمْعًا مَعَ قَصْرِ الْعِشَى ركعتين بِأَذَانٍ واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة وذلك قبل حط رحله لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. Le cheikh il dit, lorsqu'il arrive à Muzdalifa et qu'il prie la prière de Maghrib et de Isha, il les prie en les réunissant ensemble, c'est-à-dire il ne va pas prier le Maghrib à Arafat quand le soleil se couche, il prépare le maghreb à Arafat. Il se dirige vers Muzdalifa sans prier le maghreb. Et lorsqu'il arrive à Muzdalifa, il va prier le maghreb et l'isha ensemble les deux. Et il raccourcit l'isha. Il fait deux rak'at au lieu de faire quatre. Et il fait le maghreb et il fait, bon, c'est-à-dire avant de faire le maghreb, il va faire le adhan et il va faire le adhan et il va faire l'iqama, puis il va faire le maghreb. Puis tout de suite après le maghreb, il fait une autre iqama, puis il prie l'isha. Mais il va raccourcir l'isha au lieu de faire quatre rak'at. Il fait deux rak'as parce que c'est comme s'il est en voyage. Donc, c'est le voyageur, il raccourcit la salah. Et donc, c'est ça. Pour chaque prière, tu fais une iqama avec un seul adhan. Il dit وَذَلِكَ قَبْلَ حَطِّ رَحْلِهِ لِقَوْلِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَصِفُ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَ فَصَلَّ بِهَا الْمَغْرِبُ الْعِشَى بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ. Et tout ça, c'est selon la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du hajj dans le hadith de Jabir. C'est la description de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il est arrivé à Muzdalifa. Ensuite il dit ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي حتى نعم ويصلي لقول جابر ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام وهي ما بين مأزمة عرفة إلى بطن محسر قال صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم مزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر. Donc le cheikh il dit ici que puis ensuite il dort, il va passer la nuit à Muzdalifa jusqu'à l'aube et puis il va prier le Fajr. Comme ça a été expliqué dans le hadith de Jabir qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite après avoir prié, il s'est allongé et jusqu'à ce que l'aube se lève. Puis il a prié le Fajr lorsque on a vu que l'aube est arrivée. Il a prié le Fajr avec un adhan et une iqama, comme d'habitude. Et il dit que Muzdalifa, toute la région de Muzdalifa, on l'appelle Al-Mash'ar al-Haram. C'est pas un point en particulier, on l'appelle en entier Al-Mash'ar al-Haram. Et il dit que c'est ce qui est entre Arafat et un endroit qui s'appelle Muhassir. Donc tout cet endroit-là, c'est un endroit où on peut rester. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a des indications et des panneaux qui indiquent les limites de Muzdalifa et les limites de Arafat. Donc il n'y a pas de problème pour ça, inshallah. Ensuite il dit وَالسُنَّةَ أَنْ يَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى أَنْ يَطَّلِعَ الْفَجْرِ فَيُصَلِّ بِهَا الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ يَقِفُ بِهَا وَيَدْعُ إِلَى أَنْ يَسْفَرِ ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَى مِنَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فإن كان من الضعفاء كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفاء من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. لشيخ الذكر la sunna, c'est quoi? C'est de dormir à Muzdalifa jusqu'à la levée de l'aube et de prier le Fajr au début de son temps et de rester un peu et de faire des doigts jusqu'à ce que l'aube s'éclaircisse et que la lumière commence à briller et de s'en aller avant le lever du soleil. Le cheikh dit toutefois s'il y a des gens qui sont des personnes faibles comme des femmes, des enfants qui sont présents, c'est permis de précéder, c'est-à-dire de s'en aller au milieu de la nuit. C'est permis de s'en aller vers Mina au milieu de la nuit et de quitter Muzdalifa pour s'en aller vers Mina lorsque la lune s'est couchée. Donc le cheikh il dit comme si par exemple il y a des gens qui sont avec les femmes et les enfants qui sont responsables d'eux, qui s'occupent de les protéger ou de s'en occuper. Donc, ils partent avec eux aussi, c'est correct, puisque c'est eux qui s'en occupent. Donc, ils n'ont pas à, ils peuvent partir au milieu de la nuit avec ces gens-là aussi, puisque ils ne peuvent pas partir sans, ils ne peuvent pas partir sans lui. Ensuite, il dit, mais, يعني أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفاء فإنه ينبغي لهم أن لا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلي بها الفجر ويقف بها حتى يسفروا. Donc il dit que les personnes qui sont fortes, qui sont capables, ceux-là, et qui n'ont pas de personnes faibles avec eux, c'est-à-dire ils n'ont pas de personnes âgées, d'enfants ou de femmes avec eux, dans ce cas-là, eux, ils doivent rester. C'est obligatoire pour eux de rester à Muzdalifa jusqu'au lever de l'aube, jusqu'au lever de l'aube, et de prier le Fajr, hein, et de rester un peu jusqu'à ce que ça s'éclaircisse. Et le Cheikh, il dit, فَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَ وَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِمَنْ أَتَى إِلَيْهَا قَبْلَ مُنْتَصِفَ اللَّيْلِ أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك. الشيخ الزي que de dormir à Muzdalifa, ça fait partie des obligations parmi les obligations du Hajj. Hein? Et ce n'est pas permis de laisser tomber cette obligation et de partir avant le milieu de la nuit pour celui qui est arrivé avant le milieu de la nuit. Mais pour celui qui est arrivé après, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à Muzdalifa en pleine nuit ou au milieu de la nuit, eh ben pour lui, ça lui suffit de rester seulement une partie ou quelques temps seulement, quelques instants, et de partir. Toutefois, qu'est-ce qui est préférable pour lui, c'est de rester quand même jusqu'au lever de l'aube et de prier le Fajr et de faire des doigts, puis par la suite de s'en aller. Le Cheikh dit وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ لَمْ يُوَافِقْ مُزْدَلِفَ إِلَّا فِي النِّسْفِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ جُزْءًا مِنَ النِّسْفِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمُهُ. Cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Qudama dans son livre Al-Mughni, et il dit que pour celui qui n'a pas atteint Muzdalifa, excepté après la deuxième partie de la nuit, ou à partir de la moitié de la nuit, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans la dernière demi, ou dans la deuxième demi disons dans la deuxième moitié de la nuit, ouais, c'est ça. Donc celui-là, il n'est pas obligé de rester comme le cheikh il dit jusqu'à l'aube. Et pourquoi? Parce que étant donné qu'il n'a pas attrapé la première partie de la nuit, donc le verdict au sujet du fait de dormir toute la nuit à Muzdalifa ne s'applique pas à lui. Mais toutefois, comme le cheikh Al-Fawzan il l'a expliqué, c'est préférable quand même pour lui de rester jusqu'à l'aube et de prier le Fajr avant de partir vers Mina. Après, il dit ويجوز لأهل أهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى ومن يحتاج إليه المريض لخدمته ومن يحتاج إليه المريض لخدمته كالسقاء والرعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء في ترك المبيت. Cheikh, il dit que c'est permis pour les gens qui ont une excuse d'abandonner ou de laisser tomber le fait de dormir à Muzdalifa. Et parmi les gens de cette catégorie-là, on compte les gens qui sont malades. Par exemple, si quelqu'un est malade et qu'il a besoin de se faire soigner ou il a besoin de soins à l'hôpital, donc il peut s'en aller et laisser tomber le fait de dormir à Muzdalifa. Et celui qui a besoin, celui qui est responsable de s'en occuper aussi, comme par exemple s'il y a quelqu'un qui s'occupe de ce malade et qui doit quitter Muzdalifa pour aller avec le malade et s'occuper de lui et pour lui donner à boire puis s'occuper de ses besoins. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Lui aussi, il peut y aller et laisser tomber Muzdalifa pour s'occuper du malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait permis une chose pareille durant le Hajj. Et c'est rapporté selon le hadith de Asim ibn Adi par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Ensuite, le Cheikh il dit: فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة. أوكي الشيخ يجي pour résumer tout ça, il dit que donc de dormir à Muzdalifa, c'est une des obligations parmi les obligations du Hajj pour celui qui est arrivé avant la première moitié de la nuit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi à Muzdalifa et il a dit aux gens: prenez vos rites du Hajj de moi, prenez de moi vos rites du Hajj, khudhu anni manasikakum. Et donc il a uniquement permis, c'est-à-dire c'est permis de partir après la moitié de la nuit pour ceux qui sont faibles, et on peut faire ça parce que ça a été mentionné comme une permission pour ceux qui ont une raison ou une excuse. Ensuite il dit: thumma yadfa'u qabla tulu' ash-shams ila Mina لقول عمر كان المشركون لا يفيضون يعني من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كما نرير وثبير اسم جبل يطلع على مزدلفة يخاطبونه أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. Le cheikh il dit que il doit s'en aller avant le lever de soleil. Il doit s'en aller de Muzdalifa pour aller vers Mina avant le lever de soleil, parce que Omar ibn al-Khattab il disait ça justement, que les mushrikoun, les idolâtres avant à l'époque avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le Hajj, ils quittaient eux après le lever du soleil. Et donc pour les contredire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de quitter avant le lever du soleil. Et les mushrikoun avaient l'habitude de dire Ashraq Sabir Kama Narir, c'est-à-dire ils s'adressaient Yukhatibuna, ils s'adressaient à la lune, et pas à la lune, à la montagne et au soleil. Pour, parce que le Sabir c'est une montagne à Muzdalifa, et donc il disait comme si que le soleil se lève sur toi pour qu'on puisse s'en aller, c'est comme s'il s'adressait à la montagne. Et donc le prophète les a contredit dans ça, et donc il partait lui avant le lever du soleil. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans Kitab Al-Hajj. Donc après il dit وَيَدْفَعُ عَلَيْهِ ويدفع عليه السكينة فإذا بلغ وادي محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر. Le Cheikh il dit qu'ils s'en vont par la suite avec la sérénité, le calme, la paix, jusqu'à ce qu'il arrive il arrive vers une vallée qu'on appelle Al-Muhassir, ça s'appelle. Et c'est comme une sorte de petite vallée, si je me trompe pas. C'est le terme Wadi, je me rappelle plus Wadi, comment dire. En tout cas, c'est comme une petite vallée. Puis il traverse ça, puis ça s'appelle Muhassir. Et donc il dit que lorsqu'il arrive à ce wadi, à cet endroit-là, il doit accélérer un petit peu, hein, de la distance de la lancée d'une roche ou d'une pierre, oui. Donc il accélère un petit peu. Puis il mentionne pas de preuve pour cette partie-là. Mais bon, c'est ce qu'il dit, le cheikh il dit ça ici. Puis en passant justement, il y a un bon livre du cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani qui s'appelle Hajjat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un livre qui est traduit en français. C'est un très bon livre aussi pour expliquer les détails de la sunna en ce qui concerne le hajj, et aussi pour clarifier certaines choses qui sont faites, qui font partie des innovations et des bid'ah dans le hajj, pour pas justement avoir à suivre qu'est-ce que les autres font, mais vraiment faire les choses de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc c'est une bonne référence aussi pour ceux qui veulent avoir disons des détails et des compréhensions plus approfondies de ce qui a rapport avec les questions de hajj. Ensuite le cheikh dit wa ya'khudhu hasal jimar min tariqihi قبل أن يصل منى وهذا هو الأفضل أو يأخذه من مزدلفة أو من منى من ومن حيث أخذ الحصى جاز لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته إلقت لي الحصى فلقدت له سبع حصيات وهن الحصى الخلف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فتكون الحصى من حصى الجمار بحجم حبة البقالة الباقلة أكبر من الحمص بقليل أو قليلا. Le cheikh explique ici que lorsqu'il est en chemin vers Mina, il prend les pierres qu'il est en chemin, il cherche les pierres pour aller lancer Al-Jamra. Il dit que ça c'est le mieux de le faire à ce moment-là. Sinon tu peux les prendre même à Muzdalifa ou les prendre même à Mina. Yani, c'est permis. Toutefois, le mieux, il dit que c'est de le faire en chemin vers Mina. Et il dit que Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit que le jour de l'Aqaba, le matin de l'Aqaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa monture et il lui a dit, cherche pour moi des pierres, des petites pierres pour lancer. Hein, donc il dit, je lui ai cherché cette pierre. Donc Ibn Abbas a cherché sept pierres pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont les grosseurs de pierres qu'on utilise pour pichenoter. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est une pichenote. En tout cas, on les met entre le pouce et l'ongle du doigt, puis on les jette comme ça, en faisant une pression, là on les envoie comme ça avec deux doigts. Ça c'est ce qu'on appelle al-khadf en arabe. Et donc, c'est la grosseur des pierres qui nous permettent de faire ça. Et il les prenait dans ses mains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prenait dans ses mains, et il disait aux gens, voici la grosseur des pierres que vous devez lancer. Et il dit aux gens, oh les gens, prenez garde à l'exagération dans la religion, ou à l'extrémisme dans la religion, parce que c'est ce qui a fait périr ceux qui étaient avant vous. L'exagération dans la religion, c'est uniquement ça qui a fait périr ceux qui étaient là avant vous. Donc prenez garde à ce genre de choses. Ensuite, il dit fatakun al-hasa min hasa al-jimar bi hajmi habbat al-baqala al-baqilla. Il dit que les pierres qu'on utilise pour lancer dans les jimar, les pierres de jimar, c'est de la grosseur d'une chose qu'on appelle baqilla, et c'est un petit peu plus gros que le pois chiche, un petit peu plus gros que le pois chiche. Après il dit wa yujzi ar-ramy bi ghayri al-hasa wa la yujzi al-ramy bi ghayri al-hasa al-ramy bi ghayri al-hasa. ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار وقال خذوا عني مناسككم. Donc le cheikh il dit que c'est pas valable si tu lances autre chose que des petites pierres. Si tu lances des grosses pierres, non plus c'est pas correct. C'est des roches, comme tu prends des roches pour lancer, non, ça c'est pas accepté non plus. Il faut lancer des petites pierres comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Comme il l'a dit, prenez vos rites de hajj de moi. C'est-à-dire, prenez de moi vos rites du hajj. Alors, on doit le suivre et suivre son exemple. Et aussi, le fait qu'on prenne des petites pierres, c'est pour éviter aussi de blesser les gens qui sont là. Parce que c'est pas une question de grosseur de la pierre, c'est le geste qui est important. Et donc, les gens qui prennent des grosses pierres et qui les lancent de toute leur force, et ça, peut-être la pierre vole dans l'œil de quelqu'un ou sur quelqu'un et ça le blesse. Donc, il faut éviter les grosses pierres ou les grosses roches et lancer les petites. Après, le cheikh il dit, فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مِنَا وَهِيَ مَا بَيْنَ وَادِي مُحَسِّرْ إِلَى جَمْعَةِ الْعَقَبَةِ ذَهَبَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهِيَ آخِرُ الْجَمَرَاتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةِ وتسمى الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ويمتد زمن الرمي إلى الغروب. Le cheikh dit lorsqu'il arrive à Mina, c'est qu'est-ce qui entre la vallée de Muhassir et le Jamra de l'Aqaba, là où on lance les Jamarat, entre ces deux endroits-là, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle Mina. Et donc, une fois qu'il est arrivé à Mina, il se dirige vers Jamratul Aqaba pour aller lancer les sept pierres. Et Jamratul Aqaba, c'est la dernière des Jamarat, celle qui est la plus proche de Mecca. Sur le chemin de Mecca, c'est celle qui est plus proche de Mecca. Donc, en fait, c'est la dernière. Mais c'est la première en fait. Quand on part de Mecca, c'est la première. Mais quand on se dirige vers Mecca, c'est la dernière. Donc on se dirige vers celle-là, hein, et on lance les sept pierres, une après l'autre. Et on a jusqu'au coucher de soleil pour le faire. On a jusqu'au coucher. Ba'da tulu' al-fajr. Oui, c'est ça. Après le lever de soleil, on se dirige vers Jam'at al-Aqaba et on lance les sept pierres et on a jusqu'au coucher de soleil pour le faire. Le cheikh il dit وَلَابُدْ أَنْ تَقَعْ كُلُّ حَصَى فِي حَوْدِ الْجَمْرَةِ سَوَا أَسْتَقَرَّتْ فِيهِ أَوْ سَقَطَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَى الْحَاجِ أَنْ يَصُوبَ الْحَصَى إِلَى الْحَوْدِ أَوْ إِلَى حَوْدِ الْجَمْرَةِ وَلَا إِلَى الْعُمُودِ الشَّاخِصِ فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى وليس هو موضع الرمي وإنما بني ليكون علامة على الجمرة ومحل الرمي هو الحوض فلو ضربت الحصى في العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه. Le cheikh il explique ici un point important. Il dit que lorsque tu lances les pierres, il faut que les pierres restent dans le bassin qui est dans Al-Jamra, le bassin où il y a le gros pilier au milieu là, qu'on appelle Al-Jamarat. Et en fait, c'est le bassin, c'est dans le bassin qu'on doit lancer, et non pas sur le poteau ou sur le truc qui est au milieu qui se tient là. Beaucoup de gens pensent que c'est ça le but de d'atteindre le poteau, mais en fait non, pas du tout, c'est de le lancer dans le bassin et il faut qu'il reste à l'intérieur, il faut pas qu'il revole puis qu'il touche le poteau et qu'il sorte à l'extérieur. C'est ça ce que le cheikh explique. Il dit que tu lances les pierres dans le bassin, et si tu le lances sur le poteau, c'est pas ça le but, parce qu'il dit le poteau il n'existait pas avant. Ils l'ont construit uniquement pour que ce soit un signe, hein, pour qu'on sache que c'était là Al-Jamra, Jamratul Aqaba. Mais sinon, c'est pas ça Al-Jamra. C'est-à-dire au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas nécessairement ce poteau qui était là. Le but c'est de le lancer dans le bassin et de faire en sorte que la pierre reste et qu'elle ne sorte pas. Donc le cheikh dit, si tu lances sur le poteau et que la pierre revole à l'extérieur du bassin, ça compte pas, tu dois le lancer encore. Tu dois reprendre cette pierre. Après il dit, وَالضُعَفَا وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ يَرْمُونَهَا بَعْدَ مُنْتَصِفَ اللَّيْلِ وَإِنْ رَمَى غَيْرُ الضُعَفَاءِ بَعْدَ مُنْتَصِفَ اللَّيْلِ أَجْزَأَهُمْ ذَلِكَ وَهُوَ خِلَافُ الْأَفْضَلِ فِي حَقِّهِمْ. Le cheikh dit, en ce qui concerne les gens faibles, comme les personnes âgées, les enfants, les femmes, ils peuvent lancer au milieu de la nuit puisque il y a moins de monde parfois, donc c'est plus facile. Parce qu'on sait que quand on arrive là-bas à l'Aqaba, c'est la folie parfois, il y a tellement de monde. Les gens se bousculent, les gens lancent n'importe quoi, il y en a même qui lancent leurs sandales, et parfois même les gens perdent leurs sandales là-bas. Quand vous allez là-bas, vous marchez sur un coussin de sandales parce que les gens ont laissé leurs sandales là-bas. Donc c'est incroyable, et puis il faut se tenir parce que étant donné que c'est souvent les sandales en caoutchouc là, alors ça rebondit, alors il faut se tenir bien pas tomber. Et donc le cheikh il dit que si c'est pas possible de le faire avec les personnes qui sont faibles durant la journée, au milieu de la nuit c'est permis d'y aller pour le lancer avec les enfants et les femmes et les personnes âgées. Mais si quelqu'un qui n'est pas parmi eux, parmi les faibles, le fait durant le milieu de la nuit, ça compte également. Toutefois, c'est contraire à ce qui est le mieux à faire pour eux. Ensuite, il dit wa yasunnu an la yabda'u bi shay'in hina wusulihi ila Mina qabla ramy jamrat al-Aqaba li'annahu tahiyyatu Mina wa yustahabbu an yukabbir ma'a kulli hasa ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات. Le cheikh il dit que c'est sunna, hein, c'est recommandé de commencer par cette chose là, c'est à dire de commencer par les pierres qu'on lance sur جمرة العقبة, et de ne pas commencer par autre chose, même si ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé de commencer par ça. Après il dit, et c'est recommandé également de faire le takbir avant chaque pierre, de dire Allahu Akbar à chaque pierre, et de dire oh Allah, fais que ce hajj soit mabrour, hein, soit un hajj mabrour, et fais qu'il soit pardonné. Et le hajj al-mabrour, c'est celui que la personne fait, hein, et que lorsqu'il revient, il revient meilleur que lorsqu'il a quitté. Et donc c'est un hajj qui a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a fait tout ce qu'il devait faire et qu'il s'est éloigné de tout ce qu'il devait cesser de faire, et qu'il l'amène à la repentance. Yani. Donc ça c'est le hajj mabrour. Donc il demande à Allah de faire son hajj mabrour et de pardonner ses péchés. Toutefois il n'a pas mentionné aucune référence d'aucun hadith à ce sujet-là. Donc, Allahu a'lam, il faudrait vérifier à ce point-là. Mais ensuite, il dit que tu dois pas lancer ce jour-là, le jour qu'on appelle Yom al-Nahr. Ce jour-là, c'est le Yom al-Nahr. C'est le jour de Eid. Hein, ça correspond au jour de Eid pour ceux qui sont pas au Hajj. Ils égorgent leurs moutons. Et les hujjaj aussi vont aller égorger, c'est pour ça qu'on l'appelle Yom al-Nahr. Il dit que ce jour-là, on lance uniquement les pierres sur Jamrat al-Aqaba, la plus grosse, celle qui est vers Mecca, près de Mecca. Et c'est pour ça qu'elle a, c'est cette particularité-là que cette Jamra possède par rapport aux autres Jamarat, aux deux autres. C'est que c'est seulement elle qu'on lance le jour de An-Nahr. Ensuite, il dit بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران فيشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه. ثم يحلق يحلق رأسه ويقصره والحلق أفضل لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس لشيخ الذي après avoir lancé les pierres à Al-Jamra, qu'est-ce qui est le mieux à faire, c'est d'aller égorger son mouton. Donc qu'est-ce qu'il fait pour celui qui a l'obligation de sacrifier, comme celui qui ne fait pas le hajj ifrad, il doit sacrifier un mouton dans son hajj. Yani, soit le hajj tamattu' ou le hajj qiran. Ces deux-là, ils ont un sacrifice à faire. Donc il achète sa brebis et il l'égorge et il distribue sa viande aux pauvres et il en mange un peu. Donc ça c'est ce qui est commandé à faire pour celui qui a le hajj tamattu' ou le hajj qiran. Puis qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il rase sa tête. Et soit il rase ou soit il coupe ses cheveux un peu. Il diminue un peu de ses cheveux. Mais le mieux à faire c'est de raser. À ce moment-là, le mieux à faire c'est de raser la tête. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 28 dans sourate Al-Fath, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Soit que vous ayez les têtes rasées ou les cheveux coupés. Et c'est mieux de raser parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a rasé sa tête le jour de Hajjatul Wada, ou bien quand il a fait Hajjul Wada, c'est-à-dire quand il a fait son Hajj, le Hajj d'adieu, il a rasé sa tête. Muttafaqun alayh. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il a fait un dua. Le Cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour ceux qui ont rasé leur tête. Il a fait 3 fois le dua. Toutefois, pour ceux qui coupent les cheveux, il a uniquement fait le dua une seule fois. Et ensuite, il dit, si la personne a raccourci ou a baissé ses cheveux, c'est-à-dire il a coupé ses cheveux, ben il faut qu'il prenne des cheveux de toute sa tête au complet. C'est-à-dire il faut qu'il baisse des cheveux sur toute sa tête, pas seulement une partie seulement de sa tête. Ou un côté seulement, comme certaines personnes font, par exemple, ils prennent une petite mèche de cheveux, puis ils coupent un petit bout comme ça, et ils pensent que ça suffit. Mais, comme le cheikh explique, il faut que ce soit la tête en entier. Parce que, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 28, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. C'est-à-dire, vous rasez votre tête, et donc ça englobe toute la tête au complet, et non pas juste une partie de la tête. Et il dit, وَالْمَرْأَةُ يَتَعَيَّنُ فِي حَقِّهَا التَّقْصِيرُ بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة لحديث ابن عباس مرفوعا ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير رواه أبو داود والطبراني والدارقطني ولأن الحلق في حق النساء مثل وإن كان رأس المرأة غير مدفور جمعته وقصت min atrafihi qadra unmila. Le cheikh il explique que la femme pour elle n'a pas à raser sa tête. Pour elle c'est qu'est-ce qui est obligatoire de faire, c'est de couper une partie ou un petit bout de cheveux de la longueur d'un bout du bout d'un doigt. Hein? Et si elle a des tresses, ben elle coupe de chaque tresse la longueur de cheveux qui équivaut environ au bout d'un doigt. À cause du hadith le hadith qui est rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit que les femmes n'ont pas à raser leur tête mais elles ont uniquement à couper un morceau de cheveux. Et aussi, yani, le cheikh il dit que yani, la femme elle doit pas de, elle doit pas couper ses, raser sa tête parce que d'après ce que je comprends ici, c'est comme si, c'est comme si, si elle rase sa tête, c'est comme elle imite les hommes et donc c'est pas permis. Donc je pense que c'est ce qu'il veut dire quand il dit ça. Et ensuite il dit que si la femme elle a, elle a pas de tresse, c'est-à-dire si elle a pas les cheveux tressés, donc elle les réunit tous dans sa main, puis elle fait une, elle coupe la, la longueur d'un doigt de ses cheveux. D'accord. Et ensuite le cheikh il dit wa yusanna yusanna liman halaqa aw qasara akhdhu adfarihi wa sharibihi wa anit wa anit wa anatihi wa ibtihi. Il dit wa la yajuz lahu an an yahliq lihyatahu aw yaqus aw yaqus shay'an minha li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amara bi tawfir al-lihya wa naha an halqiha وعن أخذ شيء منها والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويتجنب ما نهى عنه والحاج أولى بذلك لأنه في عبادة. Le cheikh il dit que c'est sunna également pour celui qui a rasé sa tête ou qui a coupé ses cheveux de prendre un peu de ses ongles, c'est-à-dire de couper ses ongles, de couper sa, sa moustache et le poil au pubis, les parties génitales, et en dessous des bras. Donc il coupe ses poils. Ça c'est sunna. Et il est permis pour celui qui... non, il n'est pas permis. Ça c'est important aussi, un point important. Il n'est pas permis pour celui qui a rasé sa tête et sa moustache, ou couper sa moustache et ses poils, de couper quoi que ce soit de sa barbe ou de raser sa barbe. Parce qu'il y a des gens qui font ça durant le hajj, ils coupent pas aucun, rien de leurs cheveux, ni leurs cheveux, ni leurs poils, etc. Ils coupent pas, parce que c'est interdit durant le hajj. Puis ils s'imaginent que lorsqu'ils terminent, ils ont le droit de raser leur barbe. Et donc ça c'est un péché, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laisser la barbe. Et le musulman, donc, il doit respecter et mettre en application les commandements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il doit s'écarter des interdictions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier lorsqu'il est dans le hajj, puisqu'il est en train de faire une adoration. Donc, comment il désobéit à Allah, subhanahu wa ta'ala, et au messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est en train de faire une adoration? C'est comme si quelqu'un est en train de prier, puis en même temps qu'il prie, il est en train de faire un péché. Donc c'est une contradiction. Et yani, en temps normal c'est interdit de raser la barbe, donc dans le hajj c'est encore plus grave comme péché. Et ceux qui, il y a des gens qui ont des salons et qui coupent les cheveux et tout, et ben pour eux aussi c'est interdit de raser la barbe des clients, même si les clients l'exigent ou le demandent. Et ils n'ont qu'à dire, écoute, si tu veux raser ta barbe, tu vas ailleurs, parce que moi je rase pas les barbes, parce que c'est interdit. Ça c'est important aussi. Après il dit وَمَنْ كَانَ رَأْسُهُ لَيْسَ فِيهِ شَعْرٌ كَالْحَلِيقِ أَوَ الَّذِي لَمْ يَنْبُتْ لَهُ شَعْرٌ أَصْلًا وَهُوَ الْأَصْلَعُ فَإِنَّهُ يَمُرُّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Cheikh il dit un point ici au sujet des gens qui n'ont pas de cheveux, qu'ils ont soit parce qu'ils ont déjà rasé ou bien parce que leurs cheveux ne poussent pas, c'est-à-dire ils sont chauves. Et ben ces gens-là ils font juste passer la lame sur leur tête symboliquement, yani, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit lorsque je vous ordonne de faire quelque chose, faites ce que vous en êtes capable, hein. Donc ça se limite à ça. ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك إلا النساء. لحديث عائشة رضي الله عنها إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء رواه سعيد. Donc il dit وعنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم قبل أن يحرم يوم النحر وقبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه. Le cheikh il dit, puis après avoir lancé les pierres sur Al-Aqaba et avoir rasé ses cheveux, ou avoir coupé quelques cheveux, coupé un peu de ses cheveux, il est sorti du premier ihram. C'est-à-dire, comme on avait expliqué dans un cours précédent, il y a deux degrés d'ihram. Après qu'on ait commencé le hajj, il y a l'ihram, le premier, al-tahallul, c'est-à-dire, on sort du premier degré d'ihram en faisant, en lançant les pierres de Al-Aqaba et en coupant les cheveux ou rasant la tête. Hein? Ça c'est le premier, que ce qu'on appelle al-tahallul al-awwal, c'est-à-dire le premier tahlil, c'est-à-dire on devient halal mais pas complètement. Ok? Et lorsqu'on a fait ces choses-là, ces rites-là, on a le droit de faire certaines des choses qui nous avaient été interdites pendant l'ihram. Et parmi les choses qu'on a le droit de faire, après ce premier tahallul, après avoir rasé la tête et lancé les pierres de Al-Aqaba, on a le droit de mettre du parfum, mettre nos vêtements. Enlever l'ihram, mettre nos vêtements et mettre du parfum. Sauf qu'on n'a pas le droit de toucher aux femmes. On n'a pas le droit de toucher aux femmes. À cause du hadith qui est rapporté selon Aïcha radiallahu anha qui dit, et lorsque vous avez lancé les pierres et rasé vos têtes, alors il vous est permis le parfum et les vêtements, et toutes choses excepté les femmes. Ok? Ça c'est rapporté par Saïd ibn Mansour dans son sunan, et aussi selon Abu Daoud dans Al-Manasik, et également par Ad-Daraqutni. Et dans Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiallahu anha, elle dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit je mettais du parfum sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il mette son ihram. Et avant qu'il mette son ihram, ça veut dire avant le jour de At-Tarwiyah, avant de le huitième jour de Zulhijjah, avant de partir pour Mina, et avant de mettre son ihram, elle lui mettait du parfum, comme aussi avant de mettre l'ihram au Miqat, la même chose. Et Yawm al-Nahar, c'est-à-dire le jour de Eid, hein, Yawm al-Nahar, avant de faire le Tawaf al-Qadoum, eh bien elle lui mettait du parfum après qu'il ait coupé ses cheveux et lancé les jamarat, etc. Donc, ça c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Après, il dit, وَهَذَا هُوَ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلُ وَيَحْسُلْ بِثْنَيْنْ مِنْ ثَلَاثَةً رَمْيُ الْجَمْرَةِ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَحَلْقُ أَوْ تَقْصِيرُ وَطَوَافَ الْإِفَاضَةِ مَعَ السَّعِي بَعْدَهُ لِمَنْ عَلَيْهِ السَّعِي. Donc, le cheikh, il dit que ça c'est le premier tahallul. C'est-à-dire le premier tahallul, c'est-à-dire il sort du premier degré de l'ihram, et ça vient par le fait d'avoir fait deux choses parmi trois. Soit que tu aies fait deux parmi ces trois choses, c'est ça que ça veut dire. Donc, si tu as fait deux parmi ces trois choses, tu as le droit de mettre tes vêtements et de mettre du parfum et de faire ce que tu ne pouvais pas faire, excepté les femmes. Et c'est Ramy al-Jamra. Jamrat al-Aqaba, ça c'est la première, une des trois choses. Al-Halq al-Taqsir, soit que tu as rasé ta tête ou coupé tes cheveux. Wa Tawaf al-Ifada, avec le Sa'i, pour celui qui doit faire le Sa'i. C'est-à-dire que tu as fait le Tawaf autour de la Kaaba cette fois, et que tu as fait le Sa'i entre Safa et Marwa. Donc si tu as fait deux de ces trois choses-là, tu sors du premier. Tu as fait le tahallul al-awwal, tu peux enlever tes vêtements d'ihram et remettre tes vêtements ordinaires. Et il dit wa yahsul at-tahallul ath-thani wa huwa at-tahallul al-kamil bi fi'li hadhihi ath-thalatha kulliha idha fa'alaha halla lahu kull shay'in wa harama alayhi bil-ihram illa an-nisa. Hatta al-nisa, pardon. Le cheikh il dit que pour sortir complètement de l'ihram, hein, pour faire le deuxième degré de tahallul, tu dois les faire les trois ensemble. Donc si tu fais deux des trois qu'on a mentionnés, c'est-à-dire al-jamra, lancer les pierres à jamrat al-aqaba, ou bien faire le taqsir, ou de raser la tête, couper ou raser la tête, ou bien la troisième chose, c'est de faire tawaf al-ifada avec le sa'i. Si tu as fait deux de ces choses-là, tu sors du premier, là, tu deviens, c'est le premier tahallul. Puis le tahallul complet, c'est lorsque tu les fais les trois ensemble. Hein, là, dans ce cas-là, tout devient halal pour toi, même les femmes, même ta femme. Alhamdulillah. Après, le cheikh dit, ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره بعد حلقه وتقصيره يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر عليه على الطواف الإفاضة. Le cheikh explique ici, il dit, puis ensuite, après avoir lancé les pierres de Jamrat al-Aqaba, après avoir sacrifié ta brebis ou ton mouton, et après avoir rasé ou coupé tes cheveux, tu te diriges vers Mecca et tu fais tawaf al-Ifada, c'est-à-dire tu fais un tawaf et tu fais un sa'i après entre Safa et Marwa si tu es mutamatti' ou qarin ou mufrid. Mais pour le cheikh il dit in kana mutamatti'an ou qarinan ou mufridan wa lam yakun sa'a. Donc si tu es mutamatti' ou qarin, tu fais tawaf avec le sa'i entre Safa et Marwa. Mais le mufrid, s'il avait fait son sa'i après avoir fait tawaf al-qudum, il n'a pas besoin de le refaire parce qu'il l'a déjà fait. Amma in kana al-qarin aw al-mufrid sa'a, oui c'est ça, si le qarin et le mufrid avaient déjà fait leur sa'i après avoir fait le tawaf la première fois qu'ils sont arrivés à Mecca, eh bien c'est suffisant pour eux, ils n'ont pas besoin de faire un autre sa'i. Donc ils peuvent se limiter à faire uniquement tawaf al-ifada. Après il dit wa tartibu hadhihi al-umur al-arba'a 'ala hadha an-namat ramy jamrat al-aqaba thumma nahr al-hadi thumma halq aw at-taqsir thumma at-tawaf was-sa'y hadha at-tartib sunnah wa law khalafahu faqaddama ba'd hadhihi al-umur 'ala ba'd فلا حرج عليه لأنه ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ولكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك. Le cheikh il dit que de mettre les choses dans l'ordre qu'on mentionne, ça c'est qu'est-ce qui est le mieux à faire, parce que c'est la sunna. Ça commence par lancer les pierres dans Al-Aqaba, dégorger le sacrifice, et c'est-à-dire le mouton ou la brebis. Troisièmement, de raser ou de couper les cheveux. Et quatrièmement, de faire le tawaf et le sa'i. Donc ça, c'est les quatre choses qu'on doit faire, et la sunna, c'est de les faire dans cet ordre. Toutefois, si on place une devant l'autre et qu'on mélange, c'est-à-dire on les fait pas en ordre, dans cet ordre-là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire c'est complètement acceptable. Et le cheikh il mentionne un hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Amr, qui dit que à chaque fois que quelqu'un venait lui demander une question ce jour-là au sujet de ce qui a été fait avant ou après, si quelqu'un avait fait quelque chose avant ou retardé quelque chose, eh bien, il disait, fais-le et il n'y a pas de problème. Donc, l'ordre, c'est pas important. Toutefois, si quelqu'un veut être plus près de la sunna, eh bien, il le fait selon l'exemple, dans l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Comme c'est rapporté dans le hadith de Anas selon Muslim. Après, il dit, wa sifatu tawaf bil bayt annahu yabtadi'u min al-hajar al-aswad fayuhadhihi wa yastalimuhu biyadihi بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكنه فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله ويجعل البيت على يساره ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإذا وصل إلى الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول يستلم الحجر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثاني وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط. Le cheikh il dit que là il décrit comment on fait le tawaf autour de la Kaaba. Il dit que on commence à partir de la pierre noire. Il arrive en face de la pierre noire et il la salue avec sa main, il la touche avec sa main, avec sa main droite, et s'il est capable de l'embrasser, il l'embrasse. Comme Omar ibn Khattab, il a dit, je sais que tu es une pierre, tu ne peux ni me profiter ni me nuire, et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Donc c'est pour dire que c'est une question de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le faire, et et donc le cheikh il dit que ça c'est s'il est capable de le faire, de toucher à la pierre noire et de l'embrasser, il le fait. Toutefois, aujourd'hui, lorsqu'on va au Hajj, c'est pratiquement impossible de le faire. Il y a trop de monde et il y a zahma comme on dit, il y a tellement de monde que on est tous écrasés. Donc il faut même pas y penser donc à aller toucher la pierre noire, il faut juste laisser tomber et continuer son tawaf normal. Au lieu de toucher la pierre, on fait un signe avec la main en direction de la pierre noire avec la main droite, et on continue et on tourne. On commence notre premier tour et on doit garder la Kaaba à notre gauche, puis on tourne. Et pendant le tawaf, on s'occupe en faisant des zikrs et en faisant des doigts et en récitant le Coran. Et il y a une chose que je veux dire à ce sujet-là en particulier, c'est qu'il y a parfois dans le Hajj des groupes organisés qui ont une personne qui est en avant et qui commence à faire des doigts à haute voix et que tout le monde en arrière continue à répéter, il répète tout ce qu'il dit. Donc la personne elle commence à dire Allahumma, et là tout le monde répète Allahumma, donc il continue à faire le doigt comme ça, et donc de faire ça c'est pas sunna de faire ça. Chaque personne doit faire son propre doigt et ses propres invocations, ou bien de lire le Coran, ou bien de faire des azkar et des doigts. Donc c'est ça ce qu'on doit faire durant le tawaf. Donc il y a ça. Et il dit, le cheikh, qu'il ne faut pas essayer d'écraser les gens et de nuire aux gens en essayant d'aller atteindre la pierre noire ou pour l'embrasser. Tu risques d'accumuler plus de péchés en essayant d'aller à la pierre noire que le fait de faire une bonne action. Donc c'est à éviter. Et le cheikh il dit, et il commence le premier tour comme on a dit, et lorsqu'il arrive au coin de la Kaaba qui est avant celui de la pierre noire, à partir de ce moment-là, il peut saluer ce coin-là avec sa main aussi. Et il peut le saluer avec sa main, mais il ne l'embrasse pas. Et il dit, entre ce coin-là, c'est le coin du Yémen, et le coin de la pierre noire, entre ces deux coins-là, il dit « Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar » C'est le verset 201 dans Sourate Al-Baqarah. Et lorsqu'il arrive à la pierre noire encore une fois, il a complété le premier tour de son tawaf et il fait signe encore une fois, il tend sa main vers Al-Hajar al-Aswad de loin et il commence son deuxième tour. Et il continue ainsi jusqu'à ce qu'il complète les sept tours de la Kaaba. ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شرطا هي الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة والتكميل السبعة وجعل البيت عن يساره والطواف بجميع البيت بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره وأن يطوف ماشيا مع القدرة والموالاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى فيه في أثنائه وأن يطوف داخل المسجد وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به. Le Cheikh explique qu'il y a 13 conditions pour que le tawaf soit valable. Le premier, c'est l'islam, il faut être musulman. Le deuxième, il faut avoir sa raison, c'est-à-dire il ne faut pas être fou, perdre la raison. Et aussi, il faut avoir la bonne intention, c'est-à-dire de faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sitr al-awra, ça veut dire d'avoir nos parties qui sont cachées, al-awra, les parties qui sont obligatoires de couvrir. Al-tahara, c'est-à-dire il faut être en état de pureté, il faut avoir le wudu. Takmil al-sab'a, il faut compléter 7 tours. وجعل البيت عن يساره il faut que la Kaaba soit de ton côté gauche, à ta gauche. الطواف بجميع البيت il faut faire le tawaf autour de la Kaaba au complet, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de rentrer à l'intérieur de la Kaaba, de Al-Hajar, parce qu'il y a un petit mur là qui est circulaire et on peut passer à travers, et ça c'est, si on passe là, c'est comme si on a passé à travers la Kaaba, donc c'est comme si on n'a pas vraiment complété la Kaaba. Donc dans ce cas là il faut ça ne compterait pas comme un tour complet, il faut faire le tour du petit mur circulaire. Ensuite il dit, et il ne faut pas faire le tawaf sur le mur lui-même, c'est-à-dire on ne peut pas monter sur le mur pour tourner autour de la Kaaba, il faut tourner vraiment autour et non pas dessus. Et il dit qu'il faut le faire en marchant, si on est capable de marcher. Une fois, si quelqu'un est malade, il peut se faire transporter ou sur une chaise ou bien sur un lit ou autre. Ou al-mu'ala bayna al-ashwat, c'est-à-dire il faut pas laisser d'espace entre chaque tour. Comme tu fais un tour, après tu t'en vas te promener, après tu reviens, tu fais un deuxième. Non, il faut faire un à la suite de l'autre. Wa illa idha uqimat as-salah, sauf si la prière est établie, comme on commence la prière ou il y a une janaza, donc tu t'arrêtes là où tu es au moment de l'iqama, tu t'arrêtes et là tu pries, et quand tu as terminé tu continues, là tu pars à partir de là où tu étais rendu après avoir terminé la prière. Et il dit wa an yatufa dakhil al-masjid, il faut faire le tawaf à partir de l'intérieur de la mosquée. Et maintenant, bon, tu peux le faire à partir du premier étage, deuxième étage, troisième étage. Souvent, troisième étage, il y a moins de monde, mais c'est plus long parce que le rayon du tour est beaucoup plus grand, donc ça prolonge un peu le tour. Mais bon, ça dépend de l'encombrement. Après, le cheikh il dit que comme condition également, il faut que tu fasses le tawaf dans la mosquée et que tu commences à partir de la pierre noire et que tu termines à partir de la pierre noire aussi. Et le cheikh dit ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين والافضل كونها خلف مقام ابراهيم ويجوز ان يصليهما في اي مكان في المسجد او في غيره من الحرم وهما سنه مؤكده يقرا في الاولى بعد الفاتحه قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه قل هو الله احد. Il dit que après avoir fait le tawaf, la sunna c'est d'aller prier rak'atayn, de faire deux rak'a derrière le maqam Ibrahim. Et si tu peux pas le faire derrière maqam Ibrahim parce qu'il y a trop de monde, mais tu peux faire ta prière et tes deux rak'ah n'importe où dans la mosquée. Et tu lis dans la première rak'ah قل هو الله أحد pardon قل يا أيها الكافرون et dans la deuxième rak'ah tu lis قل هو الله أحد. Cheikh il dit ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة. Cheikh il dit puis il sort vers Safa, il se dirige vers Safa pour faire son sa'i entre Safa et Marwa. Et donc il monte sur Safa, il fait le takbir trois fois et puis il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Thumma yanzilu ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة فيكون ذلك قد بدأ الشوط الأول ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل المروة فيرقي عليها أو يرقى عليها ويقول ما قاله على الصفا ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول فينزل من المروة متجها إلى الصفا ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني ويمشي في موضع مشيه ويسعى موضع سعيه وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط يبدأها من الصفا ويختمها بالمروة وذهابه من الصفا إلى المروة سعيه ورجوعه من المروة إلى الصفا سعيه. Donc il explique comment faire As-Safa ou Al-Marwa. Il dit que lorsque tu arrives à As-Safa, tu montes dessus et tu fais le takbir trois fois, puis tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et de toute façon, il y a aussi beaucoup d'autres du'a et beaucoup d'autres azkar qu'on peut faire et rester assez longtemps sur Safa et sur Marwa durant ce temps-là. Cheikh, il limite ça. Il y a des gens qui font juste passer, ils lèvent la main puis ils continuent et ils s'arrêtent pas du tout parce qu'ils sont pressés pour finir. Mais si quelqu'un est pas pressé, ben il prend son temps. Arrivé à Safa et arrivé à Marwa, il reste un bon 5 minutes, 10 minutes, faire des du'as, faire des adhkars à chaque point. Et il fait son du'as. Après, quand il a fini de faire le du'as, il se dirige, maintenant il descend et il se dirige vers Marwa. Il a fini, il se dirige vers Marwa. Donc une fois qu'il est arrivé à Marwa, ça fait un. Et à Marwa, il fait des du'as encore une fois. Et il revient vers Safa, et là ça fait 2. Et il revient vers Marwa, ça fait 3. Et il retourne vers Safa, ça fait 4. Il retourne vers Marwa, ça fait 5. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il termine à Marwa, et ça fait son 7e Sa'i. Et donc, il a complété As-Sa'i, As-Safa, entre As-Safa et Al-Marwa. Et il y a un endroit au milieu, entre les deux, où il y a deux signes, il y a des, c'est comme une sorte de lumière verte entre deux points. Il y a deux points où il y a des lumières vertes. Et ça représente une petite vallée qui était là. Et lorsque Hajar, elle traversait, elle courait en traversant cette vallée-là. Et donc, nous, lorsqu'on passe entre ces deux vallées, là aujourd'hui vous n'allez pas voir aucune vallée, c'est du marbre et il y a seulement les indications vertes qui nous rappellent qu'il y avait à cet endroit-là cette chose-là. Donc, et la même chose pour As-Safa et Al-Marwa, elles ont été vraiment maintenant modifiées, dans le sens que, quand je dis modifiées, c'est qu'il y a du marbre, par-dessus. Jusqu'en haut, et en haut on voit les pierres et tout qui sont vernies et tout. Bon, bien entendu, c'est pour faciliter pour les gens. Donc il faut pas s'étonner lorsqu'on arrive là-bas qu'on retrouve des petits changements, parce que ça c'est pas resté comme c'était à l'époque de Ibrahim alayhi salam. Il y a eu depuis beaucoup de modifications et de changements, mais les choses restent quand même là où elles étaient. Et Donc, entre ces deux signes-là, on court un petit peu, hein? On court un petit peu. Et donc, on complète le sa'i, hein? Du début jusqu'à la fin. Après, il dit: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْتَغِلَ أَثْنَاءَ السَّعِي بِالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَلَيْسَ لِلطَّوَافِ وَالسَّعِي دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ بَلْ يَدْعُو بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ الْأَدْعِيَةِ وَشُرُوطُ صِحَّةِ السَّعِي النِّيَّةُ وَاسْتِكْمَالُ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى وَتَقَدُّمُ الطَّوَافِ عَلَيْهِ. Le cheikh, il dit, il est recommandé de s'occuper à faire des du'as et des dhikr et de la lecture du Coran pendant le tawaf et pendant as-sa'i. Et c'est pas nécessaire de faire un du'a particulier durant ces adorations là. On fait ce qu'on peut de ces invocations ou des du'as. Et il dit que parmi les conditions pour que le sa'i soit valable, il faut qu'on ait l'intention et il faut compléter le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, et il faut que ce soit précédé par le tawaf, c'est-à-dire il faut faire le tawaf avant. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, et puis Inch'Allah demain on continuera la suite de ce qu'il faut faire par la suite durant les rites du Hajj, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.